Guillaume Callot, bonjour. Bonjour. Donc, l'un des responsables de Chalet Film, c'est quoi Chalet Film ? Alors, Chalet Film, c'est un site de vente en ligne de DVD spécialisé dans les films d'animation, les courts-métrages et les documentaires. Et on a cette petite phrase « rare et de qualité ». On essaie de trouver des produits un petit peu qu'on trouve pas ailleurs. Alors, il y a ce qu'on trouve un petit peu partout, et là, on sélectionne les meilleurs, et puis il y a aussi les éditeurs indépendants, et puis quelques imports qu'on fait venir un peu partout dans le monde pour avoir une offre la plus exhaustive possible. Alors, avant de passer à ce qu'on peut trouver sur Chalet Film, déjà pourquoi ? D'où vous est venue cette idée, en fait ? Parce qu'en fait, moi je suis plutôt passionné d'animation et avec deux autres amis, on est plutôt passionné d'animation, documentaire, court-métrage, et on s'est dit que c'était des genres qui étaient assez mal représentés en vidéo, et on a eu l'envie de se mettre sur ce marché et de proposer un maximum de choses. Alors c'est une bonne idée l'animation. Quand vous êtes arrivé, quand vous avez eu cette idée-là, qu'est-ce qu'il y avait en... Il y a surtout les gros films, on est au courant, c'est plutôt Disney, les films d'animation japonaises. Est-ce que vous avez découvert des choses déjà un petit peu exceptionnelles, déjà en arrivant ? Oui, il y a beaucoup de choses qui se font déjà, grâce au DVD, qui je pense aide beaucoup l'animation, notamment... faire des films qui peuvent être vendus à travers le monde entier, on peut faire des versions multilingues, ouais. Et il y a déjà de très bons éditeurs comme Dorian ou les films du Paradox, ouais. qui proposent des choses pas trop mal, voire même très bien, genre les films de Frédéric Bach, ouais, tout à fait. Dorian notamment distribue tous les best-of de Bruxelles, enfin d'Anima, du festival, voilà, et des Starevich. Voilà, il y a également la collection Repérage qui est très bien, ouais. Et en plus à un prix qui aide à faire découvrir l'animation qu'on trouve en kiosque quand ils sortent, et puis après on peut les trouver chez nous quand il n'y en a plus en kiosque. Donc, tout ça on trouve, tout ça, Dorian, voilà. Paradox, Repérage, on trouve et puis, sur Chalet Film. Les DVD de Lowev aussi, la compilation Métronome. Plein de petits trésors comme ça. Donc tout ce qui est indépendant, ça c'est bien, parce que c'est très rare à trouver, c'est très difficile en magasin, on va dire en Fnac ou en Virgin. Ouais. On trouve quand même, pour les gens qui sont un petit peu plus grand public, on trouve, je sais pas moi... Les Pixar, voilà. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre ? On trouve ce qui a été édité par MK2 aussi, les Flip the Frog, ouais. Les Hobby Verts, etc. Il y a des choses... des classiques d'animation, les Miyazaki, que tout le monde aime. D'accord, donc en fait, c'est plutôt bien, on peut trouver à la fois les grands classiques, du Disney aussi, ou pas trop, non, vous réservez à Pixar ? Il y en a qu'on a envie de mettre un peu en avant, comme James et la Peste Géante, qui D'accord. Disney, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On n'a pas mis Rox et Rookie et compagnie. Bon, qui sont facilement trouvables de toute façon en magasin. Enfin, voilà, ça se trouve un petit peu partout voilà, selon nos critères de qualité, oui. Objectifs, mais peut-être, mais de qualité, il y a des choses qu'on n'a pas voulu mettre, et puis parce qu'on peut pas, on préfère ne pas noyer l'internaute qui va venir nous voir parmi des choses qui vont probablement pas l'intéresser. Je pense qu'on s'adresse à une cible de gens qui connaissent assez bien l'animation pour être plus intéressés par James et la Peste Géante que Rox et Rookie, par exemple. Et alors, ce qui nous intéresse encore plus, nous, à Bulle de Rêve, évidemment, c'est que non seulement vous êtes distributeur, et ça c'est une bonne chose, mais vous êtes éditeur en plus. Oui, alors en fait, c'est vrai que notre démarche, elle est double. D'être à la fois de vendre des DVD, mais également d'en éditer. Et au final, tout ça, c'est qu'un ensemble, quoi. C'est-à-dire que nous, notre but, c'est de faire avancer l'animation. Là, on parle de l'animation en l'occurrence. Ouais. Oui, parce que vous n'êtes pas juste, vous n'êtes pas que de l'animation, hein, documentaire aussi. Voilà, également éditer du documentaire et du court-métrage. D'accord. Et donc en fait, on a un principe de fabrication à la demande, qui fait que quand les gens vont venir acheter chez nous un DVD à la demande, il sera fabriqué au fur et à mesure. Alors, on évite les écueils habituels de l'édition. Il faut savoir que l'édition, c'est un métier très très risqué et qui demande des investissements pour lesquels on n'a pas toujours de retour. Alors, nous, ça nous permet de prendre beaucoup plus de risques et d'essayer des choses qui n'ont pas été essayées jusqu'à maintenant. Alors, bon, on a sorti un premier DVD. Et quel premier DVD ? Sur Yann Fankmeyer, merci. Oui, très beau DVD. Qui comporte 6 courts-métrages de Yann Fankmeyer. Alors là, c'est pas un DVD à la demande, on a fait un pressage. C'est en digipack, donc on a essayé de faire un bel objet, de belles factures, pour essayer de donner un petit peu le ton aussi, essayer de montrer quel est le type d'animation qu'on aime. On a beaucoup de respect pour Fankmeyer, bien sûr. Et puis montrer aussi qu'on a envie de faire des beaux produits. Oui, le produit est beau, parce que vous faites appel dès le premier DVD à l'une des sommités du monde de l'animation, Olivier Cotte, pour faire le livret. Ben oui, tout à fait. On lésine pas sur les moyens, hein. Qu'est-ce que vous voulez, c'est... Non, mais c'est bien, Olivier, qui est souvent venu ici à Bulle de Rêve, et on le rappelle, hein, qui est un des grands historiens du cinéma d'animation, et en plus qui est un grand connaisseur, en plus d'être historien, qui a réalisé lui-même des films, et qui avait fait une histoire de l'animation très intéressante, qui est un peu difficile à trouver, parce que malheureusement l'éditeur de l'époque, Dreamland, n'existe plus, mais on peut encore le trouver, précipitez-vous, c'est une histoire très intéressante, et donc elle a fait un livret très, très documenté et très intéressant. Oui, je crois. En tout cas, ça nous a fait plaisir de travailler avec Olivier, parce que c'est vraiment quelqu'un qui connaît bien son sujet, et c'est un vrai passionné. Et en plus, c'est un ami. Donc, ouais. Et par rapport à Fankmeyer, comment ça se passe? Vous contactez Fankmeyer directement ou non? De toute façon, bon, je suppose qu'il y a des producteurs derrière, vous achetez les droits directement. Fankmeyer est très difficile à contacter, oui. Dans la mesure où... où il n'a pas de courrier électronique, ce qui de nos jours est complètement inadmissible. Oui. Si je le chope, je lui dirai. Non, mais plus sérieusement, on est passé directement par le studio d'État Kratky Film. D'accord. Tous les films, en tout cas tous les films qui sont sur ce DVD, ont été produits. Comme le DVD s'appelle Volume 1, il y aura un Volume 2, avec probablement des films plus récents, et donc là on est en discussion, et petite cerise sur le gâteau en surprise, on aura peut-être un documentaire sur Fankmeyer à venir, peut-être plus vite que prévu, peut-être cet automne. Ah, très intéressant, c'est un scoop intéressant, et... Alors évidemment, tous les fans de Fankmeyer se demandent une chose, parce que depuis le temps, c'est les courts-métrages, c'est parfait, les longs-métrages. Est-ce qu'on a une chance de voir Alice ou non? C'est pas du tout l'idée du... Si c'est l'idée, alors bon, les longs-métrages, disons que pour être honnête, ils sont déjà sortis en DVD dans des autres pays. Mais en zone, oui, là, tout à fait. Voilà, donc ça nous intéresse un petit peu moins dans la mesure où nous, on n'a pas envie de se battre, essayer de reprendre des trucs qui ont déjà été faits. On a envie de faire découvrir. Donc sur des choses qui existent déjà, on va pas forcément aller en rajouter. D'accord. Aller chasser sur les terres des copains, c'est pas trop notre truc. Nous, on fait vraiment ça pour faire découvrir des choses, donc on verra peut-être si on a une opportunité de faire notamment Alice, qui est mon préféré. Oui. Pourquoi pas. Mais maintenant, pour ce qui est de Faust ou d'autres, on est moins intéressé. Oui. Bon, il y a un peu moins d'animation aussi. Hein. Et ouais. Voilà, c'est des choses qui sont un petit peu plus spéciales. Voilà. Enfin, alors, pour nos six, en tout cas pour les personnes qui nous écoutent, les 6 films qui sont sur le DVD. De Yann Fankmeyer sont Obscurité, Lumière, Obscurité, un très beau film. L'Appartement, qui est un film de quelle année, est-ce que vous vous rappelez? Je suis en train de réfléchir, mais j'ai plus l'année. Alors je crois qu'il est de 68, L'Appartement. D'accord, c'est ça, plus vieux, hein, très, très beau aussi, etc. Le chef-d'œuvre de. Ah, c'est le nom d'un film. Le chef-d'œuvre donc de. Le chef-d'œuvre de Yann Fankmeyer, donc Possibilité de dialogue, pour lequel il a obtenu le grand prix à Annecy, Jeu viril. Et le grand prix des grands prix aussi. Hein. Et le grand prix des grands prix, ouais. Tout à fait. Jeux Viril et Historia Naturea, Naturae, pardon. Donc voilà, Jeux Viril qui mettre aux mains de tout le monde qui aime le sport. Ouais. Pour voir un petit peu le derrière du feu. Donc ça c'est Jean-Yann Jankmeyer pour premier coup d'éclat. Je vois sur le site aussi qu'on a des choses exceptionnelles comme le sûrement l'un des plus beaux films du dernier festival d'Annecy qui était Milch de Igor Kovalyov en DVD. Ça c'est un peu une exclusivité hein. On le trouve je pense qu'on le trouve que chez nous. En fait, il était à la boutique du Festival d'Annecy et Ron Diamond, qui a publié ce DVD, qui est un bon ami à moi, m'a dit bah, tiens, je te laisse mon stock et à toi de le vendre en Europe, ça me fait plaisir. Et moi aussi, ça me fait très plaisir d'avoir eu sa confiance pour ça. Et voilà, c'est vrai que Milch est un film absolument étonnant. Et puis en même temps, on essaye le. Un petit peu les DVD singles, c'est-à-dire un court-métrage sur un DVD. Oui, ce qui n'est pas évident, hein, parce que bon, il n'est pas excessivement cher, il est à 10€, 9,90€. Ouais. Le DVD, bon, il est signé par le réalisateur. Ouais, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il n'y ait pas de bonus. C'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on attend aussi dans un DVD de ce type. Voilà, c'est pas nous les éditeurs, et puis des fois c'est pas toujours simple à mettre en place, mais en tout cas, bon, voilà, c'est quand même l'occasion de voir et de revoir des choses qu'on aime. Il y a aussi le Vent qui a le prix Fipreski cette année à Annecy, qui est en DVD single, et qu'on vend. J'ai plutôt parlé de Milch, parce qu'évidemment Milch était pour l'accord de tout le monde quasiment le grand prix de cette année. Qui je l'ai vu à mon avis un peu volé par son sujet un petit peu, son approche difficile, pas le sujet difficile, mais son approche un petit peu, on va dire, hermétique et pas toujours évident. Et c'est pour ça qu'un DVD est intéressant pour pouvoir revoir le film et le revoir pour s'imprégner. C'est vraiment un film avec ça, absolument magnifique. Alors évidemment, avec un début aussi prometteur que ça, on se demande la suite. Qu'est-ce que vous avez comme projet chez les films? Ah, la suite. On est en discussion très avancée avec les armateurs et Franck Dion pour publier l'inventaire fantôme en DVD single. Franck, qu'on reçoit aujourd'hui, va nous en parler un peu plus. Vous pouvez malheureusement pas être là aujourd'hui, mais Franck va nous en parler un tout petit peu plus. On a hâte. Celui-là, on va essayer d'en faire un très beau produit, bien documenté. Toujours un prix single, donc j'espère que c'est un format qui marchera bien. Ouais, pour l'animation c'est important, oui. Je pense que ça mérite de montrer des films et de les garder dans leur contexte, parce que des fois quand on le met dans une compilation, finalement ça fait un espèce de programme éclectique et où on n'est pas forcément focalisé sur un film. Puis là en plus, je suis dans la confidence. Oui, il devrait même y avoir un petit un making of, enfin quelque chose en plus, un documentaire. Donc l'idée vraiment toujours d'accompagner le film en fait, un peu comme le livret pour Jankmeyer, le documentaire de Jankmeyer, de ne pas laisser les films seuls comme ça sans explication. Oui, tout à fait. Il y a un DVD qui est sorti qui s'appelle de la méthode de Borchnikov. Oui. Qui est très bien fait à cet égard, qui explique bien comment le film est fait, qui a été édité chez DVD Pocket et qu'on vend bien sûr sur notre site. Ça donne vraiment un aperçu de ce qui est possible de faire en format DVD pour vraiment accompagner un film et vraiment faire un focus sur ce film. Bon, parfait, on attend avec impatience tout ça. Voilà, et puis également normalement une compilation de films de femmes belges qu'on fait en collaboration avec Anima. D'accord. Anima qui est le festival de films de Bruxelles. Voilà, et alors en octobre, le vraiment quelque chose qui me tient très très à cœur, on va coproduire le prochain DVD de Rosto. D'accord. Donc pour ceux qui connaissent, là aussi c'est un univers très très très spécial, et je crois que on aime ou on n'aime pas, mais alors quand on aime, on aime. Hein. Oui, c'est vrai. On fait partie de ceux qui aiment, bizarrement. On aurait pu comprendre. Bon, parfait. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est chez Allez Film est né réellement au mois de juin, de mois de mai. Oui, début juin. On a tout fait pour lancer pour le festival d'Annecy. Bon, parfait. Et en effet, c'était donc avec ce superbe DVD d'Ian Schrockmeyer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher hein, de faire ça. On va faire ça à Bulle de Rêve. C'est qu'on va faire un point d'ici 6 mois en espérant que Chalet Film aura bien grandi et pourra nous proposer plein d'autres choses. Et puis, bah, pour au moment où vous sortirez Rosto ou pour la fin de l'année, on essaiera de faire un petit point sur ce qui marche, sur ce qui marche un petit peu moins. Il faut être honnête aussi. C'est, DVD est difficile, mais voilà, c'est à Bulle de Rêve. En tout cas, c'est une initiative qu'on. On aime beaucoup. Bah bien, On espère. Et donc voilà, de peut-être en direct cette fois-ci, j'espère. Avec plaisir. j'espère être là également. Et ben voilà, donc on rappelle l'adresse. Alors www.chaletfilm.com. Alors c'est en un seul mot et film au pluriel. Et film au pluriel, tout à fait. Et là on a plein de choses. Et il y a même, vous avez même fait un petit site spécifique pour le DVD de Schrockmeyer. On a une petite partie. Magazine sans prétention qui essaie de raconter un peu ce qu'on fait et qui donne des petites infos sur les DVD qui a acheté. Pour ma part, fait. Et ben merci beaucoup Guillaume Calope et puis bonne chance. Et ben merci beaucoup. Merci. À bientôt alors. À bientôt. Au revoir.